بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc il dit le Cheikh, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, le huitième annulatif, le fait de soutenir les associateurs ou de les aider contre les musulmans. Et la preuve de cela est la parole d'Allah. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il fait partie d'eux. Certes, Allah ne guide pas un peuple injuste. Donc, mes très chers frères, le huitième annulatif de l'islam, c'est le fait de soutenir, d'aider les mécréants sur les musulmans. Et ceci peut être avec la parole, avec la main, avec un avis, avec le cœur, avec n'importe quel moyen d'aide et de soutien. Et tout cela rentre dans la mécréance qui fait sortir de l'islam et qui annule l'islam de la personne. Al-Mudahara, قال الراغب رحمه الله تعالى ظهر عليه غلبه وقال يعني سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم وظاهرته عاونته قال تعالى وظاهروا على إخراجكم وإن تظاهر عليه أي تعاون. الجر الراغب في المفردات ظاهر c'est le fait de prendre le dessus. Allah dit, ils prennent le dessus sur vous. وَظَاهَرْتُهُ c'est عَاوَنْتُهُ c'est le fait d'aider. Ils ont, Allah dit dans le Coran, ils ont aidé à vous sortir. Et il dit, et si ils s'entraident sur toi, il cède, il s'entraide. وقال الخليل رحمه الله تعالى الظهير العون والمظاهر المعاون وهما يتظاهران أي يتعاونان. Donc le sens de al-mudahara, c'est le fait de s'entraider, le fait de se soutenir contre quelque chose. Donc, cet annulatif, il est en relation avec une base de tawhid. Et vous remarquez que tous les annulatifs qui sont cités, ils ont une relation avec tawhid. Mais هذه القضية وهي الولاء والبراء, c'est-à-dire le point de l'alliance et du désaveu, fait partie des lawazim de tawhid, c'est-à-dire elle fait partie des bases de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et que la personne, il n'est pas musulman sans cette base-là qui est un lazim, qui est quelque chose qui ne se délie pas de l'attestation. Et comme vous savez, l'attestation, qu'est-ce que veut dire l'attestation? La ilaha illallah. Elle veut dire, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui a cru, qui a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui a cru en Allah, c'est-à-dire qui a adoré Allah Azza wa Jal, il a pris la lance la plus solide qui est l'attestation. Et la personne qui ne se désavoue pas des associateurs et de l'association, ayyatabarra min ash-shirk wa ahlih, lam yakun muhaqqiqan lil kufr bit taghut. Celui qui ne se désavoue pas des associateurs et des et de l'association et de l'associé. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le bara, il englobe trois choses. Eh bien, celui-là, il ne fait pas partie des musulmans. Donc, comme le fait de détester Al-Kuffar, les mécréants, fait partie de la base de la foi, eh bien, détester l'islam et les musulmans, c'est la, ça fait partie de la base de la mécréance. Min usul al-kufr. Donc, min usul al-kufr, bourd, al-islam ou al-muslimin. Wa min usul al-tawhid, bourd, al-shirk ou al-mushrikin. Et c'est donc pour cela que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Inna al-tawhida huwa ifradullahi bil-ibadati wa la yahsulu dalika illa bil-bara'ati min al-shirki wal-mushrikin batinan wa zahira. » Il dit, rahimahullah, « Certes, l'unicité d'Allah Azza wa Jal est le fait d'adorer Allah, de l'unifier dans son adoration. Et cela ne peut être qu'avec le désaveu ou le fait de se désavouer de l'association et des associateurs à l'intérieur et à l'extérieur. Yani dans l'intérieur et dans l'apparence. Et nous dirons même que cette qadriya qui est le fait de se désavouer des mécréants et de la mécréance, de l'association et des associateurs, est une chose qui est très claire dans le livre d'Allah Azza wa Jal. On pourrait dire même que c'est la chose la plus claire après l'obligation de tawhid. Après l'obligation de tawhid, la chose la plus claire dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-amru bil-wala'i wal-bara. C'est l'ordre de l'alliance et du désaveu. Et c'est pour cela que Cheikh Ahmed ibn Atiq, rahimahullah, il dit فَأَمَّا مُعَادَةُ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَأَكَّدَ إِجَابُهُ وحرم موالاتهم أو موالاتهم وشدد فيه حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده يعني الشرك. Donc il dit, الشيخ رحمه الله, il dit, en ce qui concerne le fait de se désavouer des mécréants et des associateurs, sache que Allah Azza wa Jalla l'a rendu obligatoire et qu'il a confirmé son obligation et il a interdit le fait de les prendre comme alliés. Et il l'a confirmé aussi jusqu'à ce que il n'y a pas dans le livre d'Allah un jugement où il y a des preuves en nombre et en clarifité, yani clair, comme ce jugement après l'obligation de l'unicité d'Allah et l'interdiction de l'association. Donc celui qui n'a pas al-wala, celui qui ne se désavoue pas des associateurs et de l'association et de l'associé, en réalité il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, même s'il adore Allah Azza wa Jal, même s'il prie et il jeûne. Celui-là n'est pas un croyant. Même c'est un, même pas un musulman. Allah Azza wa Jal dit: Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusahum. An sakhita Allah alayhim. Wa fil 'adhabihim khalidun. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله عز وجل qu'est-ce qu'il dit? يعني les gens, subhanallah, ils lisent pas la parole d'Allah qui est très claire. Allah dit: tu vois par beaucoup d'entre eux s'allier à ceux qu'ils ont mécru. Malédiction sur ce qu'ils ont fait, et Allah les maudit, et ils auront un châtiment éternel. Si, et regardez, walaw kanu, si ils croyaient en Allah et au prophète et ce qui est descendu sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Cependant, la plupart d'entre eux sont des pervers. Qu'est-ce que ça veut dire? لو كانوا يؤمنون بالله واليوم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه, s'ils croyaient en Allah, ils les auraient pas pris comme alliés. Le fait qu'ils les prennent comme alliés, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils n'ont pas cru en Allah et au prophète et ce qui est descendu, tout simplement. Donc c'est pour cela que Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de ce verset, فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط. Il dit, Cheikh l'Islam, Allah Azza wa Jal a cité une phrase qui est conditionnelle. Et que s'il y a la condition, il y aura le conditionné. بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. C'est-à-dire qu'il dit, et s'il n'y a pas la condition, il n'y aura pas le conditionné. فقال تعالى لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. S'ils auraient cru en Allah et au prophète et ce qui a été descendu sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés. فدل على ان الايمان فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولياء. Donc il dit, cela prouve que la foi qui est citée, la foi en Allah, au prophète et ce qui est descendu sur lui, renie ou remet en cause le fait qu'il puisse les prendre alliés comme alliés. ولا يجتمع الايمان واتخاذهم أولياء في القلب. Il dit, et ne peut pas se réunir la foi et le fait de les prendre comme alliés. فدل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. Il dit, cela nous prouve que celui qui les a pris comme alliés, il n'a pas accompli la foi qui lui est demandée en Allah et au prophète et en ce qui a été descendu sur lui. Donc il est très clair par là que la personne qui va prendre les ennemis d'Allah et de son prophète comme alliés contre les musulmans, eh bien qu'il aura contracté un annulatif qui le sort de l'islam et qu'il va être jugé comme tel. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يعني c'est le début du verset où Allah dit: ô vous les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, car ils sont alliés les uns les autres. Puis le cheikh il a ramené la partie: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il est certes parmi eux. Fil hukm, dans le jugement. C'est-à-dire qu'il est parmi eux dans le fait qu'il est sorti de l'islam. قال ابن حزم رحمه الله وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. Donc il dit ابن حزم رحمه الله et il est authentifié dans la parole d'Allah Azza wa Jal que le fait qu'il dit que celui qui les prend comme allié parmi vous fait partie d'eux, le sens est apparent que c'est un mécréant et qu'il fait partie des mécréants. Et c'est ceci la vérité où ne divergent pas deux musulmans. Et il y a ijma' al-muslimin ala anna man ittakhada الكفار أولياء أنه كافر مثلهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. Donc il dit شيخ الإسلام que الولاية, le fait de les prendre comme alliés, sa base en fait que c'est le contraire de se désavouer et de les prendre comme ennemis. Wal aslu fil wilaya, la base dans al wilaya, c'est l'amour et le fait de s'approcher. Et la base dans l'adawa, dans l'animosité, c'est le fait de détester et de s'éloigner. Le fait de détester et de s'éloigner. Et al wala يشتمل على المحبة والمناصرة والمعاونة. C'est-à-dire que al-wala, il englobe le fait d'aimer, le fait de soutenir et le fait d'aider. والبراء يشتمل على البغض والعداوة. Et le bara, c'est le fait de détester et de montrer l'animosité. إذن الله عز وجل يلجي ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Celui qui les prend comme alliés parmi vous fait certes partie d'eux. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا فهذا ردة فمن فعله يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتد بهم. وكل دي c'est quoi tawalli wa man yatawallahum, le fait de s'allier avec eux, c'est le fait de leur donner ikramuhum, le fait de leur donner une place ou de faire leur éloge ou de les soutenir ou de les aider contre les musulmans ou de ne pas se désavouer d'eux. Tout cela est une apostasie. Celui qui fait cela, tajri alayhi ahkamu al-murtaddin. Il faut appliquer sur lui les jugements de l'apostasie. Et ceci est prouvé par le livre saint, la tradition et le consensus de la communauté. Les contemporains aussi, ils disent la même chose, yani. On n'est pas, yani, dans une chose qui est différentes. Dans toutes les époques, c'est la même chose qui a été dite. Qu'il y a le consensus sur le fait que celui qui va aider les kuffars ou les associateurs contre les musulmans, eh bien que c'est un kafir. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتاوى وقد أجمع علماء الإسلام على من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة يعني بأي نوع من المساعدة سواء كانت هذه المساعدة بالقول أو بالفعل أو بالمال أو بالرأي فكل هذه مساعدات أو وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Donc il dit Cheikh Ibn Baz رحمه الله il y a le consensus des savants de l'islam إجماع يعني c'est pas quelque chose qui où il y a divergence normalement. Ce n'est pas des choses où il y a discussion. C'est des choses où il y a consensus. Il y a le consensus des savants sur le fait que celui qui soutient ou aide les mécréants sur les musulmans ou les aide par n'importe quelle sorte d'aide, que c'est un mécréant comme eux. Et ceci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et celui qui les prend comme alliés, eh bien, fait partie d'eux. Consensus. Donc il n'y a pas de divergence à ce sujet, mes très chers frères, sur le fait que celui qui va aider les kuffars ou les mushrikines, les mécréants ou les associateurs contre les musulmans, que c'est un kafir comme eux. Et ceci bi-ijma'. Et ce ijma'-là, il est qadim et il est hadith. Il est rapporté anciennement, il est rapporté aussi dans les époques reculées que nous vivons. Et ce hukm-là s'applique à tout le monde, à tous les musulmans, quelle que soit sa position. Donc il nous éclaircit الشيخ أحمد بن عتيق il rapporte de الشيخ محمد بن عبد الوهاب un تقسيم un découpage qui va nous être profitable dans la compréhension de cette مسألة de ce point. Il dit رحمه الله فعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات. Il dit que le fait de montrer la concordance avec les associateurs, il a trois cas. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوديهم بباطنه فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله أو فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. Donc le premier cas qu'il cite, il dit c'est celui qui est comme eux et qui s'allie à eux dans son fort intérieur et dans son extérieur. Il se soumet à eux, il penche vers eux et son intérieur, il est avec eux. Il dit celui-là est un mécréant, il sort de l'islam, même s'il est contraint. Même s'il est contraint. Pourquoi ? Parce que la contrainte ne s'applique pas au cœur. On ne peut pas contraindre le cœur de quelqu'un. Ce qu'on peut contraindre, c'est le corps. Mais la contrainte ne rentre pas dans le cœur. C'est donc pour cela que la personne qui est contrainte, mais que dans son fort intérieur il est avec eux, il est comme eux. Il dit ceci est concordant avec la parole d'Allah. Celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance aura la colère d'Allah et un châtiment douloureux. Ça c'est le premier cas. Al-halatu thaniya an yuwafiqahum wa yamilu ilayhim fil batin ma'a mukhalafatihi lahum fil zahir fahadha kafirun ayda walakin idha amila bil islam zahiran asama malah wa damah wa huwa al munafiq. Il dit c'est celui qui est comme eux dans son fort intérieur et qui est à l'encontre de eux dans son extérieur. Celui-là est un mécréant comme eux. Il dit cependant, s'il pratique l'islam dans son apparence, eh bien il a protégé ses biens et son sang, et c'est un hypocrite. C'est clair, l'hypocrite, il montre l'islam et il cache la mécréance. C'est donc celui-là le deuxième cas. Donc, il les a pris comme alliés, comment ? Dans son cœur. Mais dans son extérieur, vu que l'islam est à la force, il ne les prend pas comme alliés. C'est ceci qui s'est passé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-halatu thalitha, an yuwafiqahum fi al-zahir, ma'a mukhalafatihi lahum fi al-batin, wa huwa ala wajhayn. Il dit le troisième cas, donc les deux premiers cas, c'est des kuffars. Bi-ijma'. Il dit le troisième cas, c'est une personne qui va être alliée à eux en concordance avec eux dans son apparence, mais qui va être contraire à eux et pas alliée à eux, désavouée d'eux dans son intérieur. Il dit celui-là, il ne peut être que de deux cas. Yani, celui-là, il se coupe en deux cas aussi, le dernier. أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ويهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا تظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك فإنه والحال هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كونه قلبه مطمئن بالإيمان كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. Donc il dit le premier cas du troisième, nous on est dans le troisième cas qui est en deux cas. Le premier c'est quoi? C'est qu'il s'allie à eux, extérieurement bien sûr, alors qu'il est entre leurs mains et qu'il le menace de le tuer s'il ne se soumet pas à eux dans son apparence. Il dit dans ce cas-là, il a le droit d'être en concordance avec eux dans son apparent, à condition que son cœur soit apaisé par la foi, comme ce qui s'est passé avec Ammar ibn Yasir. Allah Azza wa Jalla a descendu, celui qui mécroit en Allah, min ba'di imanihi, après la foi, illa, sauf, man ukri, celui qui était dans la contrainte, et son cœur était apaisé par la foi. Donc il s'allie à eux, extérieurement, sous la contrainte. Sous la contrainte, dans ce cas-là, cette personne, il est considéré comme un musulman. Il n'est pas considéré comme étant un mécréant. Et l'exemple de cela, c'est par exemple ceux, comme en Syrie, on voit, مثلا, aujourd'hui, quelqu'un qui ils enterrent vivant. Ils l'enterrent vivant. On a vu les vidéos. Et qui laisse sa tête seulement et lui disent, dis Bachar, c'est un ilah, par exemple. Ou insulte ton ilah à toi, par exemple. Celui-là, il va mourir. Le mieux pour lui, c'est de rester ferme et de ne pas montrer qu'il est comme eux, qu'il accepte ce qu'ils disent. Mais s'il dit comme ils disent, eh bien, il n'est pas considéré comme étant un mécréant tant que son cœur est apaisé par la foi. Le deuxième cas, il dit أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفتهم لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله ذلك طمع في الرئاسة أو مال أو مشيحة باطن أو بطون أو عيال أو خوف مما يحدث في المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن وهو من قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Donc il dit le deuxième cas du troisième, c'est qu'il soit en concordance avec eux dans son extérieur. Et retenez bien ce cas-là. Et qu'il se désavoue d'eux dans son intérieur. Yani, à l'extérieur, il s'allie à eux. À l'intérieur, il est désavoué d'eux. Alors qu'il n'est pas entre leurs mains. Mais ce qui l'a poussé à faire cela, c'est qu'il veut être, il veut une position. Comme il veut être, lui, dire ri'asa, c'est être, il veut une place de président ou de l'argent. Ou il veut des choses, yani de ce bas monde. Il dit dans ce cas-là, c'est un quelqu'un qui est sorti de l'islam. Et le fait qu'il les déteste dans son intérieur ne lui sert à rien. Car Allah Azza wa Jal dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ Certes, ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà et Allah n'aime pas le peuple des mécréants. Allah la yuhibbu La Yahdi, pardon, j'ai dit, il n'aime pas, il ne guide pas un peuple de mécréants. Donc, ce dernier cas-là, donc les deux premiers cas, tous les cas là qu'on a cités, il y a ijma' dessus. Mais les deux premiers cas, ça ijma' maftouh, tout le monde est d'accord. Ce dernier cas-là, là, c'est ce cas-là où il y a une divergence entre Ahl Sunnah wal Jama'a, le cas le dernier, et ceux qui se disent être sur le bon minhaj sahih et qui font partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est sur ce cas-là. Car eux, ils disent quoi? Ils disent que, donc, on va revenir d'abord à ce qu'a dit le Shir. On tire de ce dernier cas, c'est muhim ça, c'est très important. Deux choses importantes. Le dernier cas qu'il a cité le Shir, on tire deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'est pas obligé à la personne qui aide les kuffars contre les musulmans pour sortir de l'islam d'aimer les mécréants avec son cœur. Puisque lui, il dit, même s'il les déteste, au fond de lui, cela ne lui sert à rien. C'est la première chose que l'on tire. C'est que le fait qu'il les aime pas au fond de son, le fait qu'il les aime pas au fond de son cœur et qu'il s'allie à eux dans son extérieur ne lui sert à rien. Et que ce n'est pas une condition pour que la personne sorte de l'islam lorsqu'elle s'allie contre des musulmans, qui les aiment avec son cœur, comme certains nous le font penser. Et ceci, justement, c'est la parole des gens de l'Irja. Les gens de l'Irja, qui considère qu'il faut qu'il les aime avec son cœur lorsqu'il les allie pour sortir de l'islam. Mais s'il les déteste au fond de lui-même et qu'il s'allie à eux contre les musulmans, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un grand péché. Taïb. Et ceci est une erreur. Parce que, dans ce cas-là, comment on va savoir qu'une personne qui s'allie à eux est mécréante? Si ça doit impliquer que c'est dans le cœur. Première erreur. Tu ne peux pas juger la personne dans ce cas-là. Deuxième erreur, c'est que on a levé, on a ignoré la règle qui est thabita, qui a ijma' de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dessus, qui est le fait qu'il y a un talazum bayna al-zahiri wal-batin. Qu'il y a un talazum, qu'il y a un lien indissociable entre ce qu'il y a dans le cœur et les actions extérieures. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est la première chose qu'on tire de la parole de Cheikh Ahmed Ibn Atiq, rahimahullah. La deuxième chose que nous tirons, c'est que aussi, si la personne yudahiru, c'est-à-dire qu'il aide, il soutient les mécréants contre les musulmans, pour un intérêt mondain, eh bien cela n'est pas une chose qui empêche le fait qu'il sorte de l'islam. Vous comprenez? Le fait qu'il ait fait ça pour un intérêt, qui soit mondain, n'empêche pas le fait que la personne sort de l'islam. Et c'est cela aussi où ils se sont trompés. Ils ont dit, s'il a fait, s'il, cette personne, il les prend comme alliés, il les soutient contre des musulmans pour un intérêt de ce bas monde, à ce moment-là, il n'est pas considéré comme un kafir. Il reste musulman, mais il a commis un grand péché aussi. Alors que c'est une erreur. La preuve, c'est que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il viendra un jour où il y aura de la turpitude et que l'homme se lèvera le matin croyant et dormira le soir mécréant. Et qu'il se lèvera ou il viendra le soir et il sera croyant et viendra le matin il sera mécréant. Ensuite il dit à la fin Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion pour un bien de ce bas monde. Donc le fait que tu fasses ça pour un intérêt mondain ou une chose de ce bas monde n'implique pas que tu sois protégé de la mécréance. Voyez, ce dernier cas, il est muhim. Et ces deux choses que je viens de citer sont importantes à comprendre. Quelles sont alors les shubuhat qu'ils ont, ces gens-là? Alhamdulillah, j'avais expliqué cela en détail dans le rad que j'avais fait sur Mas'alat Takfir. J'avais bien expliqué cela, nous allons réexpliquer. En gros. Donc, quelle est l'erreur qui se passe dans, ou quels sont les shubuhat? La première shubuha, la première ambiguïté qu'ils ont, ces gens-là, masakin, c'est le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ibn Hibban, yani jama'a min al-ulama. Il est rapporté par Ahmed aussi, et d'autres. Le hadith de Hatib, qu'est-ce que le hadith de Hatib? Premièrement, il faut qu'on raconte qu'est-ce que le hadith de Hatib. Le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris d'ouvrir la Mecque Et il était avec ses compagnons. Et Hatib, il avait de la famille à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un courrier pour informer les gens de la Mecque que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle arrive. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation est descendue, il a envoyé Ali et Zubayr chercher ce courrier. Il leur a dit, vous allez à tel endroit récupérer cette lettre. Ils sont partis, Ali et Zubayr, si mes souvenirs sont bons, et ils ont trouvé une femme là-bas, une vieille femme avec des tresses, et ils ont dit, donne le courrier. Elle a dit, j'ai pas. Ensuite, elle l'a donné. La finalité, c'est qu'elle a donné. Eux, ils savent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'elle a un courriel. Ils ont récupéré le courrier, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le courrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il s'est énervé. Et il a dit, ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. Dans la version de Bukhari et de Muslim, il dit, ô prophète d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Dans la version de l'imam Ahmed, qui est authentifié par Ibn Hajar et considéré comme bonne par Sheikh Muqbir rahimahullah, rahimahum jami'an, il dit, da'ni adrib unuqa hada al-munafiq. فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرْ. C'est واضح. Il dit, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Il a certes mécru. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hatib. Hatib, il s'est expliqué plus ou moins. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissez-le car c'est une personne de Badr. C'est une personne qui a assisté à Badr, etc. Donc, qu'est-ce que nous tirons? Qu'est-ce qu'ils ont compris, ceux qui ne prennent pas en compte ce troisième cas que nous avons cité? Ils disent, regardez, Hatib, il a fait le wala au kuffar, zahiran, en les aidant avec la lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréant. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils détestent les kuffars dans son cœur. C'est ça leur dalil, leur explication, leur ambiguïté dans la compréhension de ce texte. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous disons? Nous répondons simplement, Yani. Premièrement, que Omar ibn al-Khattab, il a dit, « Da'ni adrib unuqa hada al-munafiq » et dans la version de Ahmed, « Fa'innahu » قد كفر. طيب. Donc c'est Omar, il a dit قد كفر. Donc ata بكفر. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit oh Omar, dis pas qu'il a fait le kufr. Aqarrahu ala qawli. Il l'a considérer la parole de Omar comme étant une parole de vérité. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit non, c'est pas du kufr. Pourquoi? Parce que la yajouz ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Tu n'as pas le droit de reculer l'explication au moment venu. Si la parole de Omar aurait été mauvaise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit tout de suite. Mais comme la parole de Omar était bonne et juste, il n'a rien dit. Tous les compagnons qui étaient présents n'ont rien dit. Il suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait rien dit. Mais pour vous dire que c'est un ijma' des compagnons. C'est un ijma' des compagnons. Aussi dans le qissa, il y a la parole de Hatib. Et Hatib, il a dit « Walam af'alhu » irtidadan. Je ne l'ai pas fait par apostasie. An dini wala ridan bil kufr ba'da al-islam. Il dit, je n'ai pas fait ça par apostasie, ni parce que j'aime la mécréance ou je suis satisfait par la mécréance. Dans une autre version, il dit, وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا. Hatib lui-même sait que c'est du kufr, de s'allier aux mécréants. Et il dit dans une autre version, مَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu à la mécréance. Donc toutes ces versions-là nous prouvent quoi? Que Hatib lui-même sait que le fait de s'allier aux mécréants, même zahiran, même si le cœur n'y est pas, eh bien que c'est de la mécréance. Donc quelle est la raison? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous voyez le hadith, il est clair en vérité. Le hadith, il dit quoi? Il dit que Omar il l'a kaffar, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Qu'est-ce qu'il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith? Il a accepté que l'alliance des kuffars c'est de la mécréance et il a refusé d'appliquer le jugement à Hatib. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. C'est pas comme ça. Il y a une raison qui a empêché le prophète d'appliquer le jugement sur Hatib. Quelle est cette raison? Nous, on parle avec la parole de Ahl al-Ilm. Le hadith qui est rapporté de Hatib, et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre ces gens-là. On n'arrive pas à les comprendre. Parmi eux, il y en a qui se disent des tollab al-ilm. On n'arrive pas à comprendre. Le hadith, il est rapporté par al-Bukhari. Bawab al-imam al-Bukhari ala had al-hadith. C'est-à-dire, al-Bukhari, quand il met une porte, c'est son jugement du hadith. Il a mis la porte bab ma jaa fil mutaawwilin. Bab ma jaa fil mutaawwilin. La porte sur ce qui est rapporté sur ceux qui font des interprétations erronées. Donc il dit clairement al-Bukhari, c'est son avis al-Bukhari. C'est à notre il vit à notre époque al-Bukhari rahimahullah. Il vit à notre époque. Il fait partie de Salaf, rahimahullah. C'est un ancien. Allaq ibn Hajar, rahimahullah. Donc, ceux-là là, qui compliquent la compréhension des textes, ils ouvrent Fath al-Bari ou Khlas. L'affaire, elle est réglée, normalement. Ibn Hajar, il dit, rahimahullah, wa atlaqa alayhi munafiqan, li kawnihi abtana khilafa ma adhar. Donc il dit, Omar il a dit sur lui, t'es un hypocrite parce qu'il a montré le contraire de ce qu'il avait à l'intérieur. Et l'excuse de Hatib, ma dhakarahu l'imam Bukhari, ce que a cité l'imam Bukhari, fa innahu sana'a dhalika muta'awwilan an la darara fih. Il a fait ça car il a fait une interprétation erronée et pensant que le fait d'envoyer une lettre à Quraysh, il n'y avait pas de mal. Qala Ibn Hazm, il est avant aussi beaucoup, avant Ibn Hajar. Wa qad qala Umar bi hadarati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Hatib. Donc il dit Ibn Hazm, et Umar a dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent sur Hatib, da'ni adrib unuq hadha al-munafiq, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Fama kana Umar bitakfir Hatiban kafiran. Il dit que le fait que Omar a rendu mécréant Hatib n'a pas fait de lui un kafir. بل كان مخطئا متأولا. Donc il dit, il était dans l'erreur et il a fait une interprétation erronée. Donc je vous rappelle que min mawani' at-takfir at-ta'wil wal-khata wal-jahl wal-ikrah. طيب. Bien sûr, ils ne rentrent pas dans le masail al-zahira ou le ma'loum min ad-din bid-darura. Donc Hatib rahimahullah radiyallahu anhu كان متأولا في هذه الرسالة التي أرسلها. ثم on va dire مثلا il n'a pas fait de ta'wil. Il n'a pas fait de ta'wil Hatib. طيب, on marche avec vous. Al-Hafid ibn Hajar, il rapporte la lettre qu'a envoyé Hatib ibn Abi Balta'a dans Sharh al-Bukhari. Il dit, la lettre, je vous lis la lettre qui a été rapportée, يعني. أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. أين الولاء؟ Où est l'alliance qu'il y a? Où est l'alliance qu'il a eue avec eux? Il dit, donc la lettre, je vous la traduis, « Amma ba'd, ô gens de Quraysh, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous vient avec une armée comme la nuit, qui se déplace comme, yani, l'eau. Je jure par Allah que s'il venait chez vous seul, que Allah le soutiendrait et qu'il lui donnerait sa promesse. Regardez vous-même et salam. Où elle est l'alliance de, là-dedans? Il n'y a pas d'alliance. Deuxième chose, deuxième shubha, deuxième ambiguïté, c'est l'amour qui doit être dans le cœur, l'amour qui doit être dans le cœur lorsqu'on s'allie avec les mécréants ou les associateurs. C'est-à-dire que la personne, pour qu'il soit mécréant ou associateur comme eux, il faut que son cœur s'allie à eux. Et ceci est une erreur encore, une fois, comme je l'ai dit déjà précédemment. لِأَنَّ مَحَبَّةَ الْكُفَّارِ لدينهم كفر بإجماع وإن لم تواليهم في الظاهر. يعني pourquoi? Parce que le fait d'aimer la mécréance ou les mécréants pour leur religion ou pour leur association est une mécréance déjà. Même si tu les soutiens pas, même si tu les aides pas dans ton apparence. Et ceci بإجماع, il n'y a pas de divergence. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ces deux ambiguïtés ont mené à beaucoup d'égarements dans le huitième annulatif qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc j'espère qu'on a bien compris cet annulatif. Ensuite, il faut savoir que, et cela nous l'avons cité déjà précédemment à plusieurs reprises, que Al-Wala ou Al-Bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, est différent selon les personnes. Selon les personnes. Donc il y a l'alliance totale. Ça, c'est la première chose. C'est l'alliance totale. Celle-ci est uniquement aux croyants et aux musulmans. L'alliance totale ne peut être que aux musulmans et aux croyants. Et il y a le désaveu total qui lui ne peut être que pour les mécréants et les associateurs. Taïf. Et il y a l'alliance en partie et le désaveu en partie. Et celle-ci est pour le musulman pécheur ou pour le musulman, je précise, innovateur. Pas le musulman innovateur, une innovation qui le sort de l'islam. Le musulman innovateur, une innovation qui le laisse dans l'islam. Donc ceux-là, ils ont droit à quoi? Le troisième cas. qui est un musulman qui commet des grands péchés, par exemple, ou un musulman qui innove dans la religion et qui ne sort pas de l'islam par son innovation, celui-là, il a le droit à l'alliance, il a le droit au désaveu. C'est pas un droit, c'est un devoir. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tu dois être allié de lui pour son islam et tu dois te désavouer de lui pour son péché ou son innovation. Taïb. Donc il dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala wal fasiq al mili yu'ta min al muwala bi qadri imanihi ويعطى من المعاداة بقدر فسقه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق له ثواب وعقاب إن لم يعف الله عنه. Il dit Cheikh l'Islam, et nous avions déjà cité ces dires, le pervers, on lui donne de l'alliance par rapport à sa foi. Et on se désavoue de lui par rapport à sa perversité. Car Ahlus Sunna wal Jama'a considère que le pervers, il a le droit à la récompense et au châtiment. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal va le récompenser pour sa foi, mais va le châtier pour son péché. Sauf à part si Allah lui pardonne. La parole du Shir. Il dit dans un autre endroit, وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌ وَفُجُورٌ وَصَلَاحٌ وَمَعْصِيَةٌ وَطَاعَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ اسْتَحَقَّ مِنَ الْمُوَالَةِ وَالثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَاسْتَحَقَّ مِنَ الْمُعَادَاةِ وَالْعِقَابِ بِحَسْبِ مَا فِيهِ مِنَ الشَّرِّ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى له من بيت المال ما يكفيه لحاجته وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة. Il dit, et lorsque se réunit dans la même personne du bien et du mal, de la perversité et de la bienfaisance, du péché et de l'obéissance, de la sunna et de l'innovation, il a le droit à l'alliance et à la récompense par rapport au bien qu'il fait. Et il a le droit, où il mérite plutôt le désaveu et le châtiment par rapport au mal qu'il a. Et se réunit dans la même personne l'obligation d'être bien et l'obligation de se désavouer. Yani l'obligation de l'alliance et du désaveu. فَيَجْتَمِعُوا لَهُ هَذَا وَهَذَا. On réunit sur la même personne cela et cela. Ensuite, il dit, c'est comme le voleur pauvre. On lui coupe la main parce qu'il a volé. Mais on lui donne de l'argent des musulmans. Parce qu'il en a besoin. Et c'est ceci la base. Où il y a le consensus des gens de la sunna. Et que celui qui va à l'encontre de ceci fait partie des khawarij et des mu'tazila. Wa man wafaqahum alayh. Et ceux qui ont été comme eux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Ahl sunna wal jama'a, lorsqu'il y a du bien et du mal dans une personne, c'est-à-dire que lorsqu'un musulman, il a du péché ou de l'innovation, il a le droit à l'alliance, et il a le droit au désaveu, il a le droit aux deux en fait. Et ceci est une base chez Ahl Sunna wal Jama'a. Mais les gens de l'innovation, qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'un musulman tombe dans une innovation par exemple, il se désavoue de lui totalement. Et ceci est une qualité de l'Khawarij et de l'Mu'tazila. Il se désavoue de lui complètement. Alors que Ahl Sunna wal Jama'a, tant que son innovation ne le sort pas de l'islam, il le considère comme un musulman et il lui donne son droit dans l'alliance. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a l'apparition de gens qui réunissent entre deux extrêmes, qui réunissent entre Al-Irja ou Al-Khawarij. Subhanallah. Des gens, ils arrivent à être murji, c'est-à-dire qu'ils rejettent plein de choses qui font partie de la base de la foi, et ils arrivent à être aussi, à avoir des bases de l'Khawarij, car ils n'appliquent pas les règles qu'ont appliquées les gens de la sunna et du consensus. Il faut rappeler aussi une mas'ala qui est rapide, incha'Allah ta'ala, c'est mas'ala tul isti'ana bil kuffar, c'est-à-dire le fait d'utiliser des mécréants, que des musulmans utilisent des mécréants. Donc ceci ne peut sortir que dans deux cas. Soit la personne utilise des mécréants contre des mécréants, et ceci, il y a une divergence entre les savants. Certains l'autorisent, d'autres l'interdisent, et ceux qui l'autorisent, ils ont mis trois conditions. La première, c'est qu'il y ait un besoin. La deuxième, c'est que on soit protégé de leur traîtrise. La troisième, c'est qu'il n'est pas une force qui dépasse la nôtre. Vous comprenez ? Le deuxième cas, c'est que on utilise des mécréants, que des musulmans utilisent des mécréants contre des musulmans. يَسْتَعِنُونَ بِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Que des musulmans, ils utilisent des mécréants contre des musulmans. Et quand je dis musulmans, ça englobe tous les musulmans. Et les savants, ils ne différencient pas entre le musulman dans cette affaire. C'est-à-dire, même si le musulman fait partie de le bourra, c'est-à-dire les gens qui sont éloignés des musulmans, comme Allah il dit dans le Coran, وَإِنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِ تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا. Si une a transgressé sur l'autre, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Donc, même si c'est des transgresseurs, ces musulmans-là, eh bien, les savants, ils disent que c'est interdit d'utiliser des mécréants contre eux. Et ceci est bittifaq. Et celui qui va utiliser des kuffars contre des musulmans, même s'ils sont transgresseurs, eh bien, il a mécru. Parce qu'il rentre dans l'annulatif cité par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voyez ? Comme on voit yani, à notre époque, c'est très répandu. Puis il y a des choses qui font partie de l'alliance, qui peuvent sortir la personne de l'islam, comme elles peuvent ne pas le sortir de l'islam. Donc, min mazahir al-wala lil-kuffar, parmi les choses qui font de l'alliance aux mécréants, c'est le fait de vivre chez eux. Comme nous, yani. Le fait de vivre chez eux est interdit, en réalité, dans notre religion. Et le fait de quitter les pays des kuffars pour aller dans les pays musulmans, c'est une obligation. Donc le fait de vivre chez eux, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent chez eux, c'est des kuffars. Attention. Après, là, si on dit ça, on est des vrais khawarij, par contre. Mais, alhamdulillah, on est loin de ça. Donc, le fait de vivre chez eux prouve qu'on a une faiblesse dans les désaveux des kuffars et qu'on s'allie à eux plus ou moins. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que l'obligation de quitter les pays de kuffars est obligatoire. Yani, c'est un wajib, shar'i. C'est une obligation religieuse. Et qui fait partie de l'bara de l'kuffar. Qui fait partie du fait de se désavouer d'eux et de s'allier aux musulmans. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs hadiths, notamment hadith rapporté par Ahmed, où il dit qu'il faisait l'alliance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il citait des choses, puis il disait وَأَنْ تُفَارِقَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ, et que tu t'éloignes des associateurs. Parmi aussi les choses qui montre que la personne s'allie plus ou moins à eux, c'est le fait de leur ressembler dans l'aspect extérieur. C'est-à-dire de parler comme eux, de s'habiller comme eux, de vivre comme eux. Tout ça, bien sûr, la personne, il peut m'y croire. Mais tout ça aussi, ce sont des choses interdites et qui montrent que la personne, il a une faiblesse dans son désaveu des koufars, des mécréants et dans son alliance aux musulmans. Aussi, comme nous l'avons cité à plusieurs reprises, le fait de participer à leurs fêtes. Malheureusement, les musulmans, c'est normal pour eux de participer à leurs fêtes, de faire la fête avec eux, de faire des choses que eux ils font au même moment qu'eux. Yahri, pourquoi tu ne fais pas un autre jour que il fait la même chose qu'eux, le même jour qu'eux, après il dit non, moi je me désavoue de leur fête. Non, la réalité c'est que c'est une faiblesse dans l'alliance aux croyants et une faiblesse dans le désaveu des associateurs et des mécréants. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le huitième annulatif de Nawaqid al-Islam qu'a cité Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab. Subhanallah, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.